bienvenue à cette conférence du mois de Daniel Kemp, conférence du mois d'août 1984. Bonjour Daniel. Bonjour. Nous allons commencer par une question dont tu n'as pas répondu durant une conférence de 3 ou 4 semaines, car on n'avait plus de temps pour y répondre. Est-ce juste de dire que la différence entre l'esprit et l'ego, les voiles de l'ego, rien de plus? L'esprit est un convertisseur d'énergie indifférencié. L'ego se considère comme capteur d'énergie à cause de sa capacité de réflexion. Une fois les voiles détruits, l'ego est un transformateur d'énergie indifférenciée et il n'y a plus de différence entre lui et le rayon provenant de sa planète mentale d'origine, planète invisible naturellement. Puis là, ben, ça continue. Est-ce que tu veux que je le lise tout au complet? OK. Ce qui fait que l'ajusteur de pensée est... par le fait même, un concept psychologique sans substance absolue. Donc, un concept manipulateur utilisé par l'esprit contre l'ego. L'ego devrait donc détruire le concept de l'esprit afin de converser l'énergie indifférenciée. Donc, une fois les illusions de l'astral comprises, donc dissolues, le double... défini se produit dans la destruction des illusions de l'esprit, donc au dépassement et au contrôle même de la fusion. Tes commentaires, si possible, excuse la longueur. Bon, premièrement, c'est évident que l'ajusteur de pensée, c'est un concept psychologique, de même que la fusion. Des concepts qui sont manipulatoires, pour les individus qui ne sont pas aptes à comprendre réellement l'énergie qui va être transportée par un mot et qui ne sont pas encore rendus à un point de développement mental qui leur permette de réellement utiliser le langage comme le langage doit être utilisé. C'est-à-dire que si on prend un mot et qu'au lieu de viser ou d'essayer de pénétrer ou de comprendre l'énergie, on pourrait synonymiser ça par l'idée transportée par le mot. Bien, automatiquement, ça devient un concept, parce que même si je te dis que le soleil, lui, dans le ciel, présentement, on est ici, il n'y a pas de soleil, ce qui fait que tous ceux qui peuvent envisager ça, bien, n'envisagent qu'un concept du soleil qui est, lui, dans le ciel, parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Alors, ce qui fait qu'en partant, si on parle d'ajusteur de pensée, on parle donc d'une pensée, qui est croche, une pensée qui peut être inharmonieuse, une pensée qui peut être débile, et automatiquement, on doit donc essayer d'expliquer à une masse, à un auditoire, que, à un moment donné, cette énergie-là qui est, disons, faussement ajustée, va finir par s'harmoniser d'elle-même. Pour s'harmoniser d'elle-même, ben, l'homme étant toujours en train d'imaginer des choses finies, il ne peut pas comprendre que l'esprit ou que, disons, le corps mental de l'homme, quand il va s'ajuster de par lui-même, c'est-à-dire que quand il va s'harmoniser lui-même par rapport à lui-même et non pas par rapport à rien d'autre, c'est ça qui est le gros handicap de l'évolution de l'homme, c'est qu'on essaie toujours d'ajuster une chose par rapport à une autre. Alors, si tu ajustes la chose en santé par rapport à la chose malade, tu transformes tout en corps malade. Si tu ajusterais la chose malade par rapport à une parcelle en santé, tu guérirais. Mais vu que l'homme est manipulé par la parcelle malade qui est l'ego, ben automatiquement, il essaie d'ajuster tout le reste de l'univers par rapport à sa propre parcelle malade. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que le mental, à un moment donné, va s'ajuster de par lui-même. Maintenant, pour que la psychologie astrale humaine, donc pour que l'ego humaine, puisse arriver à accepter le fait que quelque chose d'extérieur à lui, généré par lui, parce que le mental a été généré par l'astral, même s'il est maintenant de plus en plus délié de l'astral, donc de plus en plus libre, bien, la psychologie a de la misère à comprendre qu'un phénomène extérieur puisse arriver seul, sans l'aide de l'homme, l'homme psychologique, celui qui s'identifie à lui-même, c'est-à-dire l'homme. Alors, sans l'aide de l'homme, une parcelle de cette partie de l'homme-là va être capable de devenir supérieur à l'homme, va être capable de dominer l'homme parce qu'il va lui-même s'auto-harmoniser par rapport à lui. Alors, ce qui fait que le centre va grossir jusqu'à devenir toute la forme mentale au complet. Il n'y aura plus de périphérie mentale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'intellectualisme, il n'y aura plus de conceptualisation mentale, il n'y aura plus de recherche mentale d'essayer, justement, il n'y aura plus de théoriciens qui vont essayer de résoudre des problèmes par le mental sans avoir toutes les données nécessaires pour le résoudre. Alors, automatiquement, ce que je ne comprends pas, ben je ne le comprends pas. Et ce que je comprends, je le comprends. Et là, l'individu rendu là va être capable de savoir quand il sait, de savoir quand il ne sait pas. Et ça, c'est important en tabarouette. C'est un discernement mental qui est différent du discernement entre l'astral et le mental. Alors, ce qui arrive, c'est que on doit, pour pouvoir faire comprendre cette chose-là à une masse, donc parler de formes d'énergie qui sont en essence la même forme d'énergie, mais qui vont travailler légèrement différemment, comme la main gauche fait d'un travail différent de la main droite parce qu'ils ont un apprentissage différent. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, pour faire comprendre ça à l'individu, on doit donc y donner un nom. Un nom qui va fitter avec sa psychologie, psychologie, disons, dans la démarche ésotérique avancée, une psychologie qui est de plus en plus scientifique. Alors, on doit donc donner un terme et essayer de faire ce que la science a toujours fait, de disséquer, pour permettre à l'individu normal, normal avancé, donc anormal par rapport à la société quand même, de pouvoir comprendre ce qu'on veut dire. Ou il devient un concept, je parle d'ajusteur de pensée, ben, il n'y a rien qui descend en vous pour ajuster votre pensée. Ça serait, c'est la même chose que le spiritualiste, c'est-à-dire qu'on attend que quelque chose vienne nous sauver, que quelque chose vienne nous ajuster ou nous purifier. Ça, c'est des sornettes. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que parmi le mental des êtres humains, certains mentaux vont s'auto-ajuster. Automatiquement, ils vont donc augmenter en vibration, ce qui va donner une forme d'énergie mentale différente de l'énergie mentale humaine planétaire normale. Et cette énergie nouvelle mentale qui reste dans le cadre de l'énergie mentale, c'est ce que nous, on va appeler ajusteur de pensée. Maintenant, pour que ce soit bien compris par la masse, on va parler, parce que le mental se transforme lentement, alors disons, et ça encore, quelqu'un qui verrait, qui prendrait ça comme tel, ben, ne prendrait qu'un concept, donc ne pourrait pas réussir à le comprendre, pourrait triper dessus par exemple. Disons que le mental c'est une boîte, un cube, alors quand le haut du cube commence à vibrer du mental, disons, de l'homme nouveau, le haut du cube, ben, c'est ça qu'on appelle l'ajusteur de pensée, c'est cette vibration nouvelle-là qui a été générée par elle-même, au niveau mental, qui va être capable d'obliger, donc, d'ajuster le reste du mental. À qui? À lui. Mais tout ça, c'est un schéma mental. À un moment donné, toi, tu réfléchis mieux parce que ton mental se développe. Alors, le mental qui se développe deviendrait l'ajusteur de pensée, et c'est lui qui va obliger la pensée et obliger tout le concept, le contexte mental à travailler selon une forme qui est nouvellement définie, celle du mental plus évolué dans ton mental, donc celle de l'ajusteur de pensée. Maintenant, vu que tout ça, ce sont des causes et des faits qui ont rapport à l'énergie, c'est-à-dire que si l'énergie ambiante augmente, automatiquement, l'énergie interne de l'homme, autant physique, vitale, astrale et mentale, ces énergies-là vont automatiquement augmenter. Ce qui fait que si on parle, par exemple, du passage de Josué ben Joseph sur la Terre, le Nazaréen, ben, automatiquement, lui, en augmentant son schéma vibratoire, il a augmenté le schéma vibratoire extérieur, ce qui a obligé l'homme à avoir un schéma vibratoire aussi lui avec. Donc, le mental de l'homme a commencé à se développer, ce qui fait que l'Esprit Saint avait donc la possibilité, non pas de descendre du ciel pour venir dans l'homme, mais d'apparaître dans l'homme par une naissance auto-générée par un mental qui commence à se développer. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée qui vient me parler, bien, ça se peut pas. L'ajusteur de pensée, c'est ma propre énergie mentale qui, de par son schéma vibratoire typique, peut réussir à entrer en connexion, donc entrer en contact, ou ça, s'harmoniser avec une énergie de type supérieur au mental, supérieur en termes vibratoires et non pas en termes spéculatifs, en termes spirituels ou religieux. Donc, je vais finir par pouvoir être en contact. Est-ce qu'il y a relation entre la cellule du cerveau, une partie du cerveau, des cellules, ainsi que l'ajusteur du pensée, l'ajusteur de la pensée. C'est-à-dire que la cellule va être métamorphosée, donc la cellule va subir une mutation prochainement, elle est commencée dans l'individu. Mais la cellule, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La cellule, la neurone, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle permet simplement au siège de l'astral et au siège du mental de pouvoir habiter dans un corps vital et un corps physique. Donc, ce qui veut dire que si le mental se transforme, si le mental ou l'astral se transforme, ça oblige, par effet énergétique, ça oblige donc la cellule nerveuse, la cellule du cerveau de l'homme, de devoir se transformer. Mais elle se transforme comment? Pas en grosseur, pas en forme. Elle va simplement se transformer en action. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre, par exemple, toi, tu as une cellule, et pour donner un acte, pour donner l'ordre à ton bras de lever la main, bien, l'énergie électrique doit passer par 850 milliards de neurones cérébrales avant que ça descende au niveau de ta colonne, au niveau de tes nerfs, pour faire bouger ta main. Ça, c'est un mécanisme de pensée qui est inhérent à l'homme. Mais ce qui va arriver, c'est que par l'augmentation des vibrations mentales, ces cellules-là vont être capables, à un moment donné, de faire passer un courant électrique d'une façon non pas chimio-électrique, c'est-à-dire que ce ne sera pas... Parce que la fonction même, la manière que fonctionne la cellule, c'est simplement une polarisation chimique puis une dépolarisation chimique. Et la polarisation qui est électrique dépend du temps que prend la neurone ou l'axone pour pouvoir se polariser et se dépolariser. Mais prochainement, l'homme va fonctionner typiquement, complètement électriquement, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'avoir des réactions chimiques pour permettre à une cellule de pouvoir conduire un schéma électrique. Alors, un exemple de ça, si tu prends de la boisson, à un moment donné, ton sang devient plein d'alcool, ce qui fait que ça va ralentir et ça va déformer la polarisation et la dépolarisation et le temps pris pour ça, alors, ce qui fait qu'automatiquement, ta réflexion est totalement différente et très lente. Mais quand l'homme devient électrique par mutation psychologique et par mutation cérébrale physique, tu pourrais prendre des tonnes de boissons et ta réflexion resterait exactement la même parce qu'elle n'est plus sujette à une métamorphose chimique. Alors, ce qui va arriver, c'est que ces cellules-là, au lieu, par exemple, pour faire lever ton bras, au lieu de passer par 800 milliards de neurones, ils vont passer par 4 neurones. Parce que le schéma va se faire tellement différemment que ça va pouvoir suivre un chemin différent. Alors, toutes les neurones de l'homme, c'est-à-dire les 88% des neurones humains du cerveau qui ne servent présentement à rien consciemment, vont commencer à servir à quelque chose parce qu'il va y avoir une énergie assez forte pour les stimuler assez pour qu'elles se mettent à fonctionner. Alors, ce qui fait que ta réflexion, qui est présentement extrêmement rapide par la courte distance séparant les neurones, va être amplifiée peut-être d'un milliard de fois. Parce que, au lieu de, même si la distance est courte, au lieu de passer par un cheminement long au niveau de ta matière cérébrale, tu vas passer par un cheminement beaucoup plus court. Alors ça, c'est une transformation qui va être générée par une augmentation de l'énergie mentale dans l'homme. Donc, automatiquement, il y a mutation. Et ayant mutation, et là, c'est l'important, là, on fait un détour, mais c'est important... J'explique des choses, d'autres conférenciers expliquent des choses, et il y a des individus qui ne comprennent absolument rien. Mais ça n'a aucune importance parce que l'énergie qu'ils vont gober, l'énergie qu'ils vont réussir à aspirer, bien, cette énergie-là va faire en sorte justement que leur mental va augmenter en vibration, même s'il n'y a pas la compréhension dans leur conscience, c'est-à-dire que si les neurones ne sont pas encore transmutés, bien, tant qu'un neurone n'est pas transmuté, l'individu ne peut pas avoir accès à la connaissance réelle, au savoir direct dans sa conscience. Par contre, il a accès à l'énergie, même s'il ne comprend pas. Et cette énergie-là va augmenter son taux vibratoire, donc cette énergie-là va finir lentement par muter ses cellules cérébrales, et là, il va avoir conscience qu'il sait. En attendant, il augmente son schéma vibratoire, une forme astrale en lui puise un peu de cette énergie-là, et l'individu peut tomber dans l'illusion du savoir, alors il croit qu'il sait. Il ne sait pas qu'il sait. Alors, si on regarde simplement en termes d'apprentissage même pour l'être humain, pour communiquer présentement, on communique avec la parole. La vraie communication, disons que la vraie science de l'éducation devrait se faire directement par télépathie, c'est-à-dire que sans interprétation, tes cellules accèdent au même niveau cérébral que la personne qui donne. Alors, automatiquement, tu as la connaissance instantanée en même temps que l'autre. C'est un, disons que c'est une forme similaire à l'intelligence active, donc à l'énergie supramentale, mais une communication doit se faire entre deux individus au niveau mental. Parce que dans les télépathies, il y a des télépathies qui sont totalement physiques, il y a des télépathies qui vont être d'ordre vital, d'autres d'ordre psychologique, donc astral, mais la connaissance se transmet dans une télépathie mentale, pour l'instant. Mais présentement, ce n'est pas encore le cas, mais disons que prochainement, c'est ce qui va être. Alors, quand tu parles de prochainement, tu parles de combien de temps? Prochainement, je parle de présentement, c'est commencé pour certains rares individus et ça va s'accentuer en pyramide, c'est-à-dire que ça va, la pyramide renversée, ça va s'accentuer au cours des prochaines années. Alors, présentement, comme on a, il y a différentes personnes qui font un travail dans le monde, mais surtout au Québec, qui obligent l'homme à pouvoir accéder à ces niveaux-là plus rapidement. Et il y a certains, comme par exemple, présentement, il y a le PMC, un cours qu'on a commencé, qui est le premier cours dans le genre, disons que c'est le premier cours de l'ère du Verseau, qui est un cours qui est typiquement fait, qui n'est pas basé sur rien du passé, qui est totalement neuf dans sa conception, dans sa structure, dans la connaissance, dans tout. Alors, à partir de certaines choses comme ça, il y a d'autres genres de choses comme ça qui vont être générées au niveau de la province de Québec, surtout prochainement. Alors, disons que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être de plus en plus courant que certains individus vont communiquer par télépathie mentale parce qu'ils vont avoir justement un état mental, cérébral adéquat pour le faire. Alors, il y a deux manières. C'est que le mental lui-même s'autogénère, c'est-à-dire que le mental est capable de créer sa propre énergie comme un soleil va faire. Et ça, c'est très important. Disons que la limite de la psychologie astrale, la limite de l'astral humain dans son schéma évolutif, c'est qu'elle a besoin continuellement d'énergie extérieure pour pouvoir avoir de l'énergie pour elle-même. Sinon, elle se détruit. Et dans sa propre destruction, disons que dans la lassitude, dans l'ennui, dans la peur, qui est une destruction du phénomène astral, elle va être capable de nourrir ces phénomènes-là en s'autodigérant. Alors, c'est pourquoi qu'un individu qui souffre pendant une éternité ou qui a peur continuellement, un individu qui a réellement une vie là, absolument dégueulasse, atroce, tout au long de sa vie, finit à un moment donné par atteindre un état mental assez fort parce qu'il a autodigéré la capacité qu'avait l'astral de le manipuler. L'astral reste en lui, mais l'astral est trop épuisé pour pouvoir dominer. Donc, automatiquement, le mental devient supérieur à ce qui reste d'astral. Et l'individu qui va souffrir des camps de concentration, qui va souffrir différentes choses, va arriver à un moment donné à une conscientisation, mais une conscientisation qui a été donnée par la souffrance. Mais un individu normal n'a pas besoin de souffrir, mais il devrait travailler son schéma mental pour que, relativement à l'astral, que le mental devienne supérieur. Donc, il y a deux façons d'avoir un mental supérieur, une destruction autodigérée de l'astral qui laisse un mental supérieur à un moment donné, mais après combien de temps de souffrance et après quelle atrocité, ça dépend de la grosseur de l'astral et de l'amplitude du mental. La deuxième facette, celle qui est inhérente à l'ère du Verseau, celle qui est intelligente, celle qui n'oblige pas l'homme à souffrir, c'est celle du développement mental, donc de la mentalisation des phénomènes, pour réussir à avoir une suprématie sur l'astral. Alors, ce qui arrive, c'est que, présentement, disons, en termes, on répond toujours à la question, en termes d'ajusteurs de pensée, en termes de plusieurs concepts dans le genre, la fusion, par exemple, ce qui arrive, c'est qu'on essaie d'expliquer à un individu des choses qu'il ne peut pas comprendre. Alors, de même qu'un aveugle ne peut expliquer à un individu comment un coucher de soleil peut être beau, parce qu'il ne l'a jamais vu, alors, un sage ne pourra pas non plus expliquer à cet aveugle-là comment un coucher de soleil peut apparaître, par exemple, un soir ou ce que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si toi, tu es aveugle de naissance, moi, j'aurais beau te décrire le coucher de soleil, ça ne va rien, jamais rien faire pour toi. Alors, c'est la même chose, disons que la personne qui sait, l'initié, ou disons le sage, comme on peut l'appeler, ne peut pas arriver à expliquer sa sagesse à des hommes qui ne la possèdent pas. Et ça, c'est inhérent à l'homme, et c'est une chose inhérente à la psychologie astrale, oui. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il n'y aurait pas quand même quelque chose, le sage qui explique, qui essaie de brosser un tableau à l'aveugle de naissance, d'un coucher de soleil, il n'y aurait pas quand même une certaine essence qui resterait vibratoirement parlant? Oui, tu parles d'énergie, tu parles plus d'explication. Non. Voilà. Alors donc, tu es d'accord avec moi à 100%, c'est-à-dire que je ne peux expliquer à un individu qui n'a pas ma connaissance. Par contre, vibratoirement parlant, je peux communiquer une forme de vibration qui est de la connaissance, mais de la connaissance non assimilable par l'individu. Mais cette énergie-là va lentement augmenter le schéma vibratoire de l'individu. Donc, lentement, il va opérer une mutation cérébrale. Et tout d'un coup, cette mutation-là va se transformer en connaissance dans l'individu. Connaissance qui ne vient pas de moi, qui a été auto-engendrée par l'individu. Mais le problème de la psychologie astrale, c'est que la psychologie astrale elle-même est capable d'absorber une vibration, de l'analyser et de prendre dans son schéma mémoriel des connaissances pour essayer de les appliquer à ce support vibratoire-là. Exactement comme si je t'amenais le dessin d'un casse-tête, tu vois toutes les formes du dessin, c'est l'énergie. Alors, tu fouilles dans tes mémoires, donc dans tes millions de boîtes de casse-tête, pour voir s'il n'y aura pas des morceaux qui ressembleraient à ceux qu'il y a sur le plan énergétique que je t'ai donné. Ça, c'est l'astral. Alors, il y en a un qui ressemble, t'en prends un autre, il ressemble un peu, t'en prends un autre, il ressemble un peu, puis à un moment donné, ça y est, j'ai la connaissance. T'as pas la connaissance, t'es fait royalement fourré. Mais ça ressemble, ça a de l'allure. Ça a de l'allure, c'est normal, parce que chaque morceau de ta mémoire fit avec le stimuli d'énergie. Ça, c'est typiquement astral. Le mental développé, le mental normal de l'homme, mais développé, hein, on a l'intellectuel, on a le mental, c'est le même phénomène, disons, que l'intellectuel ou l'intellectualité, c'est le mental naissant et le corps mental, le mental qu'on parle nous autres, ça va être le mental une fois apothéosé, donc le mental à son summum. Ce mental-là, lui, va prendre le dessin énergétique, par exemple, de la connaissance ou de la chose qui est donnée, mais lui n'appliquera pas ses mémoires à ça, un mental développé. Il va simplement assimiler l'énergie en se foutant royalement de savoir s'il comprend ou non. Le mental va le faire, mais l'astral veut essayer d'appliquer ses morceaux de mémoire dessus. C'est ce qui se produit lorsque des personnes viennent à des conférences, et puis assistent à la conférence, puis ils sortent, et puis ils ne savent plus qu'est-ce que c'est qui s'est dit. Bon, s'ils ne savent plus qu'est-ce qui s'est dit, c'est parfait. Ils risquent moins d'être manipulés par leur propre casse-tête astral qui essaie de s'appliquer sur l'énergie reçue. Et, veut pas, ils s'opèrent une transmutation au niveau de leur forme d'énergie, surtout au niveau mental. Parce que présentement, l'homme devrait non pas essayer de pousser quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'homme devrait essayer d'équilibrer ses vibrations physiques, d'équilibrer ses vibrations vitales, d'équilibrer ses vibrations psychologiques astrales et d'équilibrer son mental, mais d'une façon pas typique de l'ère du poisson. C'est-à-dire que je ne dois pas faire en sorte que mon physique devienne en harmonie avec mon vital. Ça, c'est le maudit piège de la spiritualité, de la morale, de la philosophie et de l'ère du poisson. M'arranger pour que mes corps soient en harmonie. Mais ça, il n'y a pas plus bullshit que ça. C'est réellement le moyen absolument parfait que l'astral planétaire a pris pour manipuler l'homme, pour le forcer à descendre aux enfers, donc à garder stable dans une évolution. Pourquoi? Parce que, comme tout à l'heure je te disais, si tu veux rendre tes corps en harmonie l'un par rapport à l'autre, c'est un désir que tu as, mais à l'époque où ça s'est enseigné, et même à l'époque aujourd'hui où c'est diffusé, c'est la psychologie égoïque de l'homme qui veut équilibrer. Donc, il va équilibrer tout par rapport à lui, et lui est malade. Le corps physique doit s'équilibrer, oui. Il doit arriver à pouvoir s'auto-contrôler, oui. Mais pas être contrôlé par l'astral, par le vital ou par le mental. Il doit pouvoir s'auto-contrôler. C'est-à-dire que l'énergie physique doit arriver, par exemple, à un quota d'énergie qu'on appelle le contrôle. Mais c'est absolument différent du quota d'énergie dans lequel le vital va pouvoir évoluer pour arriver au contrôle. Et c'est absolument un contrôle différent de l'énergie astrale et un contrôle totalement différent de l'énergie mentale. Alors, ce qui fait que vouloir harmoniser ces corps ensemble, c'est vouloir s'auto-détruire, c'est vouloir simplement engraisser l'ego de l'homme pour arriver à ce que lui puisse s'exprimer de plus en plus. Donc, c'est réellement une belle grosse farce. C'est-à-dire, quand tu dis c'est vouloir s'auto-détruire, quand on ne sait pas, mais on c'est sait pas vouloir s'auto-détruire. Non. Mais ça fait ça comme résultante. Exactement. Alors, ce qui fait que l'énergie physique doit être cataloguée, on doit l'instruire pour qu'elle-même arrive à sa propre porte de sa sagesse, l'énergie physique, disons. L'énergie vitale, c'est la même chose, l'astral, c'est la même mousse d'affaires, et le mental, oui. Mais le mental, c'est le seul qui peut éduquer sans teinter. De ce fait, l'homme ayant un physique, l'homme ayant un vital, l'homme ayant un immense astral, l'homme ayant un mental non développé, et que le mental est présentement la clé, de la solution même à tout ce qui peut se passer présentement, ben l'homme devrait évoluer, donc l'homme devrait travailler son mental. Et qui peut faire travailler le mental? Le mental. L'astral est trop paresseux, donc le mental est capable, à un moment donné, d'être capable de se discerner, d'arriver à une phase d'identification où lui-même sait qui il est, et lui-même sait quand c'est lui qui génère des choses en lui, et quand c'est l'astral. Donc, là, tu arrives au premier discernement, la première phase, disons, de discernement dans l'évolution psychologique humaine, c'est le discernement entre le mental et l'astral. Un peu plus loin, le mental va arriver à se personnaliser, c'est-à-dire que le mental va être capable lui-même de discerner à l'intérieur de lui des phénomènes qui sont intellectuels, donc qui peuvent être théoriciens, spéculatifs, conceptualisateurs, des phénomènes qui vont être en contact avec une énergie supérieure. Donc, on arrive à une deuxième phase de discernement, le discernement entre le mental et le mental. Alors, ce qui va arriver, c'est ça. C'est que si on parle de fusion, on essaie d'expliquer, c'est-à-dire qu'on camoufle sous le phénomène d'explication pour l'individu, une synthèse d'une rassurance psychologique, c'est-à-dire que pourquoi tout ça? Parce qu'un jour, vous allez fusionner, puis là, tu leur expliques tout ça au complet, puis le monde, ils partent avec le beau gâteau, puis sont-ils contents. Bon, la fusion, c'est quoi? Tous ceux qui parlent de fusion, ou presque, à l'exception de, disons, 3-4, ne savent pas ce qu'est la fusion. La fusion, c'est moi, un jour, je vais fusionner. Ou encore, toi, tu es sans doute fusionné. Moi, je suis en train de fusionner. Bon, la fusion, c'est quoi? Présentement, c'est l'expression d'un snobisme ésotérique. C'est l'expression d'un snobisme privé spirituel. C'est simplement la reprise qu'a l'astral sur l'individu pour récupérer ceux qui pourraient sortir et les ramener à son sein. Donc, le monde sont fait enguirlander par un mot. C'est-à-dire que, pour pouvoir définir un contexte, pour pouvoir définir quelque chose, bien, vu qu'on parle par le langage, on doit donc employer des paroles, des mots, qui sont eux-mêmes assujettis de définition, qui sont eux-mêmes assujettis d'une forme. Et cette forme-là, qui est le langage, bien, en la transmettant à un autre individu, elle doit donc, cette parole-là, se retransformer, être réanalysée par les interprétations mémorielles, d'apprentissage, justement, qu'ont les mots pour l'individu. Alors, ce qui fait que si je dis qu'un jour, l'homme va devenir un cheval, c'est son schéma normal d'évolution, bien, pour certains, ils vont rêver un beau cheval blanc, style Pégase, avec des grandes ailes, puis qui peut traverser les murs, puis tout ça. D'autres, ils vont dire, il est stupide, je veux vraiment, réellement pas, pourquoi je deviendrais un cheval qui est dans un champ, qui fait des pommes de route un peu partout, puis qui s'amuse. Bon, alors, ce qui arrive simplement, c'est que la communication donnée par le langage, elle est pure, mais les individus l'interprètent à leur manière, ce qui fait que l'interprétant, ils n'ont pas le choix, mais l'interprétant, ils sont donc assujettis à la forme du mot, mais surtout à la forme engendrée par leur propre apprentissage de la langue, alors automatiquement, ils se font fourrer, se font berner. L'agisseur de pensée, c'est une forme d'énergie. Mais même là, c'est quoi une forme d'énergie pour l'être humain? On dit que tout est énergie, mais l'homme s'en fout royalement, parce que quand il donne un coup de poing dans un mur d'énergie, bien, il reçoit d'énergie, ça lui fait mal. Alors, ce qui fait que tout est énergie, Dieu n'est pas un être, c'est une forme d'énergie. Dans la tête du monde, oui, c'est une forme d'énergie, qui est limitée, qui a une forme, donc c'est un être. Mais au lieu de l'appeler être, tu l'appelles énergie. Bon, mais t'es pas plus avancé. L'énergie, c'est quoi? Bien, on ne peut pas arriver à l'expliquer, on ne peut pas arriver à l'enseigner présentement. Certains vont vivre des phénomènes énergétiques, mais ils n'arriveront pas à l'expliquer non plus. Alors, automatiquement, on doit donc se référer à des parallèles chimiques, fusion, par exemple, à des parallèles psychologiques, ajusteurs de pensée, par exemple, à des parallèles réellement matériels. Et si l'individu prend le mot pour ce qu'il est, bien, automatiquement, l'individu va se faire avoir. Mais dans l'ère de la croyance, Daniel, avec les religions qui ont eu emprise sur la Terre, on a habitué l'individu à avoir des formes pour s'accrocher. les anges, les archanges, ainsi de suite. Alors, ça ne serait pas qu'on continue en changeant les termes un peu pour avancer à créer d'autres formes, à détruire les anciennes et créer d'autres formes mentales pour que l'individu continue? Oui, l'orateur le fait pour, premièrement, vois-tu, c'est que tu peux parler à une certaine population sous forme de parabole, ce que j'ai déjà fait dans certains symposiums. Tu peux t'adresser à un autre genre de population en parlant plus directement. Mais encore là, tu filtres. Pourquoi? Parce que tu prends un langage. Et en utilisant un langage, aussi clair soit-il, tu vas veux pas filtrer. Parce que le langage est la parabole poussée à son apothéose, à son summum. C'est-à-dire que moi, je parle de fusion, puis tous ceux qui décident qu'ils vont fusionner, qui sont en train de fusionner, etc., c'est tout du monde, disons, qui sont éliminés de la connaissance authentique. Pourquoi? Parce que le langage pur est une parabole. Mais une parabole tellement puissante que tu ne peux pas l'employer dans une population ordinaire. Là, tu dois la déguiser encore plus. Mais quand tu arrives à pouvoir employer, toi, parce que tu as entendu des mots, quand tu arrives à pouvoir employer des mots pour pouvoir tracer, pour pouvoir dessiner un précipice entre toi et l'extérieur, tu t'approches pas d'être l'univers ou d'être en fusion ou de tout ce que tu voudras. Tu t'éloignes. Quand tu as sorti le terme évolution, c'était quelque chose qui définissait un symptôme. Un symptôme, disons, dans la démarche humaine. La fusion, présentement, c'est simplement un synonyme d'évolution. Mais l'homme bâtard a pris le mot évolution, en s'en est asnobi avec, et puis présentement, moi, je suis plus évolué que toi, ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à se comprendre. Ah, puis lui, il peut évoluer. Bon, alors à un moment donné, ça devient une mode. Mais vu que ce mot-là est tellement détruit par l'homme, comme le mot paix va être détruit, comme le mot vie est détruit, bien, à un moment donné, on doit reformer un nouveau mot pour définir l'idée primaire qui avant s'était transportée par le terme évolution. Alors on parle de fusion. Parce que la fusion, c'est quoi? C'est pas une fin. C'est un début, mais un redébut, disons, par rapport à l'homme. Mais c'est pas une fin. C'est quoi la fusion? C'est une évolution. Hein, c'est une illumination. C'est des termes employés avant, à l'époque du poisson, puis à l'époque du bélier, puis un peu avant, à l'époque du taureau, disons, dans d'autres formes de mots. Mais présentement, on parle de fusion, puis l'individu est déjà en train de se servir de ce mot-là pour le transposer à la place d'évolution. Alors, tu n'es pas en train de fusionner, tu ne fusionnes pas, moi, je suis en train de fusionner, un tel est fusionné. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, on prend le même maudit mot pour continuer à recréer les précipices avec. Alors, c'est un concept, la fusion. Un immense concept. Oui, c'est un des concepts qui est utilisé habituellement, je pense, par des gens qui croient avoir la connaissance, qui croient avoir le savoir, comme tu disais tantôt, et puis ils peuvent utiliser le mot pour un certain bout de temps, jusqu'au temps qu'ils comprennent éventuellement qu'est-ce que c'est que ça va faire. Un échange! Il y a des gens qui, justement, il y a deux ans, utilisaient le mot « fusion » à tort et à travers. Ça leur aurait permis de faire une espèce de marche, c'est-à-dire de monter sur une espèce de marche imaginaire, puis après ça, de monter sur d'autres, puis les regarder en arrière et puis ils comprennent. Mais le terme, le mot fusion, en termes de son et lumière, c'est quoi? Bien, juste avant, je vais faire un petit détour sur ce que je disais avant. Pour bien faire comprendre la différence entre la parole, le concept, puis où l'homme, elle est rendue. Dans l'enseignement même, présentement, on est obligé de clarifier notre langage pour développer notre mental. Donc, on parle. La parole est d'or. La parole est d'or est déjà très importante même. Alors, ce qui va arriver, c'est que si tu regardes, par exemple, un individu qui vient me voir, puis qui me demanderait comment faire pour arriver à fusionner, un individu, disons, qui sait ce que veut dire le mot fusion. Un individu parfait, réel. Alors moi, je peux lui demander, regarde ma main. Il me regarde, est-ce que tu vois quelque chose? Non, elle est vide. Bon, regarde tes mains. Est-ce qu'il y a une pelle dans tes mains? Alors, l'individu, non. Bon, prends cette pelle puis creuse. L'individu authentique, ben, il va tout comprendre ce que j'ai voulu dire. un individu psychologique, disons, dans sa phase normale, même s'il est plus élevé en vibration que la masse, ben, je vais devoir passer 3 ou 4 heures à expliquer le même phénomène pour qu'il arrive à ne pas s'en aller avec un concept spirituel, un concept d'espoir, un concept de trip, une idée qui va le perturber. Bref, on est obligé de prendre 1 million de langages. On a même un mot, on parle de fusion. Ben, une fusion, si l'individu essaie simplement de se dire, l'individu qui amène le terme fusion n'est pas fou. Ben, s'il amène ce terme-là, il doit signifier quelque chose, il doit réellement expliquer sa pensée. Si je te dis à un moment donné, tu me demandes qu'est-ce que c'est que l'évolution terminale, disons, du règne de la 6e race ou 7e race humaine. Je te dis, c'est une fusion de tous ces corps. Mais ça veut tout dire. Mais après ça, tu ne diras pas, lui, il est fusionné, ou elle est fusionnée, ou lui, il est en fusion. Parce que s'il serait fusionné, il n'y aurait pas de corps physique. S'il serait en fusion, ben, il y aurait les mains collées, il y aurait des phénomènes qui se passeraient. Parce que la fusion, merde, regarde dans le dictionnaire, puis regarde, c'est quoi la fusion? La fusion, c'est quand tu prends différents métaux, tu me fais dans un creuset, tu mets le feu en dessous. Alors, le soufre et le fer, qui sont deux corps différents, s'amalgament, font du sulfure de fer, et c'est un corps nouveau. Mais il n'y a plus de soufre, il n'y a plus de fer. Tu lances ça dans les airs, tu ne pourras pas dire qu'il y a du fer ou il y a du soufre. Alors, si le mental, le supramental, le mental, l'astral, le vital et le physique se fusionnent, ben, il n'y aura plus de physique, il n'y aura plus de vital, il n'y aura plus d'astral, il n'y aura plus de mental, il n'y aura plus de supramental. Il va y avoir de quoi que tu ne verras pas, absolument différent de ce qui est ici. De totalement différent de ce qui est ici. Qui n'est pas visible à l'œil. Pas à l'œil humain, non. Mais dès qu'il est visible, oui. Parce que ça ici, là, c'est peut-être fusionné. L'air, puis toute l'énergie qui nous entoure est là. Mais nous, on est trop calme pour penser que c'est fusionné. On dit que c'est juste de la matière. Bon, alors il y a des choses qui sont visibles à l'homme, mais que l'homme ne voit pas. Parce que l'homme a des yeux pour voir, puis les yeux l'aveugle. Alors, vois-tu la fusion? C'est un mot qui est parfait. Si on revenait au Nazaréen, lorsqu'il a formé, c'est-à-dire qu'il est ressuscité, puis qu'il a eu son corps de lumière, qu'il a matérialisé le corps de lumière qu'il avait, est-ce qu'il avait fusionné à ce moment-là? En ce qui concerne le Nazaréen, disons que il était en train de fusionner. Lorsqu'il est revenu son corps de lumière, et la fusion était presque terminée quand il est revenu son corps de lumière. Bon. Alors, cette fusion-là, justement, puis il y a d'autres individus avec, à un moment donné, qui ont atteint l'état de métamorphose totale des différents corps. Donc, ces corps-là ne sont plus des corps, mais deviennent un corps. C'est ça qu'on appelle une fusion. Et tu reviens avec un corps, c'est-à-dire que l'individu qui est fusionné peut jouer le rôle, c'est-à-dire que tu es capable facilement, disons, d'avoir un corps de lumière, mais de retourner dans un corps de la matière, non. Parce que si tu retournes dans un corps typiquement matériel, tu dois faire ce qu'on appelle une descente aux enfers, c'est-à-dire que tu es obligé de revivre, de rabaisser tout ton schéma vibratoire pour en arriver là. Alors, ce qui fait que si tu rencontres à un moment donné un individu physique, ben si c'est c'est le plus grand de tous les maîtres, c'est pas un individu fusionné. Mais il peut être en fusion. Il peut être en fusion. Il peut être en grande démarche fusionnelle, mais c'est pas un individu fusionné. Et certains individus, on m'a déjà demandé si j'étais fusionné. Bon. Et les individus qui m'ont demandé ça, bien, à eux autres, j'ai répondu oui. Parce que pour eux autres, bien, premièrement, ça ne me tentait pas de commencer à faire une conférence là, on était dans la rue. Et pour eux autres, c'est absolument essentiel que je sois fusionné pour pouvoir continuer à m'écouter. Oui, mais ça dépend justement de la définition du mot fusion qu'ils ont. Exactement. Alors, pour eux autres, oui. Parce que le mot qu'ils avaient définissait ce qu'eux autres voulaient que ce soit, et non pas ce que leur état aurait voulu que ce soit. Alors, ce qui fait que si on regarde juste en province de Québec, des fusionnés, il n'y en a pas. Par contre, du monde en démarche de fusion, il y en a quelques-uns. Ça se compte, il n'est pas gros. Bon, mais le mot lui-même est extraordinairement parfait. Il définit réellement un symptôme de l'évolution humaine, de la transformation humaine, mais on a dû l'employer pour pouvoir se servir d'un nouveau mot, parce que le mot évolution était royalement aberré. T'étais évolué, si t'avais un turban autour de la tête, t'étais capable de lire dans des tarots. Hein? Ben, Dieu sait, puis l'homme avec, que n'importe qui peut lire dans des tarots. Alors, t'étais évolué. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu mets un nouveau terme. Mais l'homme se sert de ce terme-là au lieu de s'en servir mentalement. Parce que le terme est pur, profitons-en. Tu émets des nouvelles choses, ben merde, mélange pas tout avec ton ancien stock. Hein? Tu mets-les dans de nouveaux tiroirs, refais quelque chose de neuf. Mais l'homme s'en sert tout de suite pour se rassurer, pour essayer de parler. Tu viens à une conférence sans pas faire une conférence après, avec ce que le gars dit. Parce que là, tu fais juste prendre les mots, tu les fous dans ton astral, tu mélanges tout ça, puis tu t'en vas triper après. Tu peux discuter avec un individu de certaines choses. Tu dis, fais pas ça. Mais ça n'aurait pas été bon pour des gens qui ont fait ça. Ça leur aurait permis de réchauffer son peu encore. Pas faire une conférence, en discuter. Je viens de te dire, tu peux en discuter demain. Mais pas partir à triper sur toi-même. Tu sais, il y en a beaucoup qui le font sans rendre pas compte de l'art. Mais justement, c'est pour ça que c'est à ça que je voulais en venir, car j'en ai vu plusieurs et j'étais un de ceux-là qu'à un moment donné, ayant le boost, tu pars, tu es en groupe, une dizaine de personnes, puis tu te mets à parler, puis tu utilises les concepts, mais on dirait que ça fait comme réchauffer ça, Daniel, puis à un moment donné, tu pars tout seul. Oui, c'est qu'il y a deux phénomènes, c'est ce que je te dis, entre la discussion puis entre le trip. Puis il y en a un des deux, les deux de toute façon c'est astral, mais il y en a un qui va placer les idées en place. Il y en a un autre qui va simplement tout mélaxer ce que tu viens d'apprendre avec ce que tu aurais voulu apprendre. Alors ce qui fait qu'il y a un gros danger, et puis comme je dis, l'homme qui le fait ne le sait pas qu'il le fait. Alors ce qui fait que d'en parler ça ne sert à rien, parce que l'individu lui-même qui le fait, même si j'y en parle, il va continuer à le faire, il ne le saura pas plus. Puis quand il va s'en rendre compte, il va arrêter de le faire, même si j'y en parle pas. Mais c'est un gros problème, c'est un immense problème de l'homme, justement, qui vient en conférence ou qui vient en séminaire, puis qui, par après, se lance à convertir tout le monde, il comprend plus que tout le monde, il comprend même plus que celui qui a enseigné. Mais là tu le mentionnes avec un égo qui le stimule pour le faire. Exactement, mais l'homme ne peut pas voir la différence entre un et l'autre. Pas sur le moment, bien par après. Puis ça, il y en a énormément présentement, qui vont à d'autres conférences ou encore qui viennent aux miennes, puis qui justement ne font que remalaxer, ce qui fait qu'à un moment donné, ils deviennent sûrs d'eux-mêmes, ils deviennent tellement sûrs d'eux-mêmes, tellement sûrs qu'ils comprennent, mais tout ce qu'ils comprennent, c'est ce qu'on leur a dit. Les autres appellent ça leur compréhension, et puis à un moment donné, ils arrêtent de venir, ils disparaissent dans la nature, et puis par après, c'est la catastrophe totale, c'est la panique, c'est l'éboulement total, on va dire, ils s'écrasent complètement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis après un certain temps, ces individus-là vont peut-être revenir, peut-être qu'ils ne reviendront pas non plus. Mais c'est là le gros danger du phénomène. C'est quand tu arrives, toi, à savoir que tu sais. Mais il y a une chose qui est différente, c'est que moi, pour savoir ce que je sais, je ne lis pas de livres. Je ne vais pas écouter des conférences, je ne vais rien faire. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis capable de générer de moi par moi-même. Donc, cette connaissance-là, qui est la mienne? Elle est utile à d'autres, surtout en termes énergétiques, plus qu'en termes au niveau parabole ou parole, mais l'individu même qui n'est capable d'avancer dans sa propre parole, dans sa propre conférence, que suite à des lectures ou que suite à des conférences, n'est pas prêt à lâcher les conférences. Parce que sa source vient du conférencier. Alors, quand en plus il commence à parler contre et à se trouver supérieur au conférencier, quand c'est c'est même l'essence même du conférencier qui ressort par sa bouche, cet individu-là, il se prend au sérieux. Puis lui, il risque de souffrir en Christie. Puis ça, c'est toujours le même phénomène de concept. Tu viens de comprendre la fusion, puis c'est évident que si tu as compris ça, tu fusionnes, puis tu n'as plus besoin de rien, tu t'en vas. Tu y vas, tu parles, puis à un moment donné, les faux prophètes ou les prophètes de malheur, il y en a plein qui vont naître parmi ceux-là. Si on en revenait à la fusion, Daniel, qu'est-ce que c'est quel est le phénomène qui se produit lorsqu'un individu meurt? Habituellement, c'est arrivé à des gens qui étaient très avancés, et puis que leur corps physique disparaît. Ils emportent leur corps avec eux à leur mort. Donc, ésotériquement ou initiatiquement parlant, c'est le terme. Emporter son corps avec soi à sa mort. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe pas grand-chose. C'est que l'individu arrive à un niveau où il est presque prêt à ne pas mourir. Parce qu'à un moment donné, l'homme va arrêter de mourir. Hein? L'homme est constamment en transformation, en réajustement, et ce réajustement-là canalise énormément d'énergie, puise de l'énergie, et vu que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, ben l'homme suit un rythme génétique, disons, planétaire, psychologique, et l'homme vieillit. Mais à un moment donné, l'homme ne vieillira plus. Par contre, l'individu qui est vieux, qui est rendu à un certain âge, par exemple, quand je dis vieux, disons qu'on mourir de sa belle mort, ils ne sont pas plus ça de même. Alors, l'individu même qui est presque prêt et qui va mourir, peut être, disons, entouré par ce qu'il va attirer d'une façon amoureuse, des énergies similaires aux siennes, mais qui peuvent être légèrement supérieures aux siennes. Et après sa mort, il va rehausser son taux vibratoire, et donc automatiquement, parce qu'il est encore en relation avec son corps physique pendant un certain nombre de temps, et le corps physique va automatiquement se mettre à rehausser son taux vibratoire, il va donc rajeunir, et le corps lui-même peut réussir à fusionner après la mort de l'individu. Mais là, on parle après la mort de quelques heures à quelques jours après la mort. On ne parle pas de 6 mois après sa mort. Le corps est disparu parce qu'il pourrit. Physiquement, oui. Physiquement, ce qui se produit à la cellule, elle devient lumière. Elle est métamorphosée par une augmentation vibratoire, c'est ça. Elle est fusionnée avec le reste. Puis où est-ce qu'il s'en va, ce corps-là? Ce corps-là, il s'en va dans un endroit qu'on ne parlera pas pour la simple raison que les mots encore en langue française ne sont pas encore assez adéquats pour le définir. Et puis, ça va surtout amener encore d'autres concepts dans l'homme. Et disons qu'il s'en va dans l'éther. Ça certaines théories dont on connaît disent que, justement, c'est pour énergiser ce qu'on appelle Dieu, soit les trois alephes, la volonté, l'amour et l'intelligence. Est-ce que c'est pas pour énergiser, mais il se trouve que ça va augmenter le taux vibratoire, donc ça va énergiser. Mais l'homme croit toujours qu'un événement dans l'univers arrive parce qu'il faut que. Ben, c'est pas vrai. Un événement arrive parce que ça arrive. Puis, à un moment donné, quand l'homme va arriver à comprendre ça, il va être mental, il sera pas astral. Maintenant que l'homme est psychologique, l'homme a besoin d'une cause et d'un effet. Et l'homme se bâtit un monde de cause et d'effet, et l'homme ne vit que par cause et d'effet. Et ça, c'est une immense distorsion dans le plan d'évolution humain, celui de cause et d'effet. Et tellement immense que l'homme a tellement perturbé tout son schéma évolutif par ce concept-là, qu'une chose doit être faite pour. Donc, s'il y a telle affaire, c'est que ça vient de... Bon, c'est une cause et un effet. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme a fini par tellement tout défaire son schéma évolutif, et l'homme a tellement pas compris ce qui se passait que l'homme a appelé ça une loi, puis ça, c'est la loi du karma, entre autres. Bon. Oui, mais ça, pas compris. Je vais juste faire je vais revenir à ce que tu disais, mais c'est important de savoir qu'il n'y a aucun grand maître qui évolue pour aider l'humanité. Non, il se trouve que ça augmente le schéma vibratoire des autres, disons qu'il se trouve que ça aide. Mais il n'y a aucun homme insensé, intelligent, qui va faire ça pour ça. L'énergie supplémentaire ne descend pas sur la Terre pour aider les êtres humains. Elle rayonne dans l'univers, la Terre pose dedans, bien la Terre en reçoit des morceaux. C'est tout. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune énergie qui a un désir. La seule énergie qui, disons, qu'une forme de désir, c'est l'énergie intentionnelle ou l'énergie créatrice. Mais c'est une énergie d'un autre ordre. C'est pas une énergie de type supramental. Elle est dans la lignée supramentale, parce que dans l'énergie supramentale, cette énergie-là s'exprime sous différentes formes, dépendant de quel est le canal qui va capter l'énergie. C'est-à-dire que le canal va lentement déformer l'énergie, disons, intelligente, pour l'exprimer d'une façon qui peut être l'énergie créatrice, qui peut être l'énergie de la parole, qui peut être différentes autres formes d'énergie. Alors, ces individus-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire que quand ils vont mourir, celui qui emporte son corps à sa mort, ou celui qui ne meurt pas, parce que c'est le même phénomène, c'est le même symptôme évolutif. Alors, il y en a certains qui, de par leur propre cheminement vibratoire, c'est-à-dire que, j'expliquais dernièrement, vendredi dernier, que l'homme évoluait pas tout d'un bloc, mais que certaines parcelles de chacun de ses corps évoluaient en morceaux. Alors, ce qui fait que, disons que toi, tu arrives à mourir, et que toi, 4 jours après, ton corps est disparu. Donc, tu as emporté ton corps à ta mort, tu l'as fait évoluer, tu l'as fusionné. Mais toi, il y a des parcelles en toi qui ne sont pas parfaites. Ce qui fait qu'automatiquement, pour parfaire ça, tu vas attirer à toi des événements, des gens, des phénomènes qui sont similaires à ta forme vibratoire. Sans vouloir l'attirer. Ça n'a aucun rapport justement avec le désir. Ça se fait tout seul, ça. Ça se fait par son et lumière. Donc, tu vas rester prisonnier des formes politiques, par exemple, comme le mec ici, où tu vas devenir, tu vas t'en aller dans un endroit, ce qu'on appelle l'agartha. Et là, pour pouvoir parfaire, tu vas passer dans un événement qui pourrait s'appeler une mission pour l'être humain normal, et donc tu vas avoir une mission à faire sur la Terre. Mais la seule mission que l'homme a à faire, c'est la mission pour lui-même. C'est-à-dire que, comme j'expliquais souvent, si tu as une grenouille qui est sur le bord de, d'une flaque d'eau, mais qui est épuisée, qui ne peut pas se rendre à la flaque d'eau, qui fait 130 dehors ou qui fait 45 degrés Celsius, la grenouille est en train de mourir. Alors là, il y a un dieu humain qui passe en courant là parce qu'il fait du jogging, qui met le pied dans la flaque d'eau et qui arrose la grenouille, mais il la sauve. Mais il n'est pas passé dans l'eau pour arroser la grenouille, même si peut-être pour la grenouille, si la reine astrale a été développée, bien, elle dirait que ce grand dieu-là est venu dans la flaque d'eau spécialement pour la sauver. Alors, en plus d'être une élue parce que le grand dieu s'est déplacé pour elle, bien, il y aurait plein de choses qui partiraient comme les religions, en fait. Alors, ce qui fait que, non, la flaque d'eau a revolé là, l'eau, ça s'est emmenée là, puis c'est un phénomène qui s'est passé, mais il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien. C'est une chose qui s'est passée comme ça, sans raison. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y aura pas d'hasard dans ce cas-là? Bien, le motif, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a des choses qui vont se passer. Ça, c'est un phénomène qui est tellement immense qui devrait être compris par l'homme, le fait du hasard et le fait d'être prêt. Parce que là, le mettons qu'on va passer à côté, c'est quoi être prêt? Si tu as l'argent pour faire une chose, tu es prêt. Si tu es encore vivant après un événement, tu étais prêt. Si tu arrives à comprendre, tu es prêt. C'est quoi être prêt? Être prêt, c'est pas un concept supramental, c'est pas un concept mental, c'est pas un concept spirituel, c'est pas un snobisme non plus. C'est ça pour bien du monde, mais moi je suis prêt, toi t'es pas prêt, hein? C'est une autre forme de dire que je suis fusionné, tu l'es pas, ou je suis évolué, tu l'es pas. Bon. Être prêt, c'est quoi? C'est simplement, c'est vrai que tu es prêt quand tu es encore en vie, puis quand tu es encore en état d'évoluer. Si tu es mort, lors d'un accident d'auto, c'est que tu n'étais pas prêt. Ce n'est pas un hasard. Mais normalement, l'homme présentement arrive sur la planète Terre et dans son évolution sociale, dans son carcan social, l'homme est obligé à être de moins en moins prêt à mériter de vivre. Gagner sa vie, c'est mériter de vivre. Mais mériter de vivre, c'est pas juste respirer de l'air, puis l'acheter, puis la polluer, puis etc. Puis c'est surtout pas faire de l'argent. Ça, c'est pas gagner sa vie, ça. Ça, c'est faire de l'argent. Bon. Mériter de vivre ou encore être prêt, c'est quoi? Mais si tu descends un escalier, puis tu t'enfarges, tu déboules, tu te casses une cheville, ou bien non, tu trouves le crâne, puis tu meurs, c'est que tu n'étais pas prêt. Là, on parle dans le domaine de la matière. Mais le plus grand des conférenciers qui n'est pas capable de sortir de la salle ici, s'il se pogne ici, c'est un cave. Hein? Mais il n'est pas prêt. C'est beau d'avoir la parole, mais si physiquement, tu n'es pas capable de tourner devant un char qui te fonce dessus, t'es ridiculement pas prêt. Pourquoi vois-tu? C'est que l'homme a un physique et l'homme vit dans un corps matériel. L'homme devrait développer son corps matériel pour pouvoir réussir à dominer tous les problèmes matériels. Mais la société qu'on a instaurée ici, bien, elle fait tout, qu'elle essaie de protéger l'homme, elle, la matière sociétaire, mais l'homme n'a pas à se développer pour être protégé. Tu dors. Tu ne fais pas une chez vous, tu meurs. Ou tu as un détecteur de fumée. Mais toi, tu es trop calme pour savoir qu'elle fait pogner chez vous. Toi, tu n'as pas besoin d'être prêt pour ça. Reste couché puis dors. Bon. Tu te promènes quelque part puis il arrive que quelqu'un te fonce dessus. Mais toi, tu n'étais pas capable de le détecter, ça. Un aveugle peut le détecter. Mais toi, non. Tu sais que des yeux, tu n'es pas capable. Mais tu n'es pas prêt. Alors, si tu te fais renverser par un camion, c'est parce que tu n'étais pas prêt à continuer à vivre. Si tu deviens fou après avoir suivi une conférence, un séminaire, ou après avoir été dans une messe religieuse, n'importe quoi, ou après avoir vu un film, c'est que tu n'étais pas prêt. Être prêt, c'est quoi? C'est d'être capable de toujours être toi-même dans la vie. Mais la vie, justement, elle est là. C'est pas que du hasard ou des leçons. Il y a tout... Qu'est-ce que c'est que le hasard? Qu'est-ce que c'est qu'un karma punitif? Qu'est-ce que c'est qu'une leçon? C'est simplement le contexte psychologique que tu as, toi. Il t'arrive un événement, tu payes pour une affaire que tu as faite dans une vie antérieure. C'est bien joli, mais ça te permet en tout cas de pas trop te débiner, ça te permet de te dire, ben, en tout cas, j'aurais pu le payer, tu sais? Bon. Alors, c'est avec une rassurance psychologique. Ou encore, tu reçois le même événement, puis tu essaies d'apprendre par l'événement. C'est plus un karma, maintenant, c'est une leçon. C'est le même contexte. Mais maintenant, c'est une leçon. Mais l'individu qui est capable de surmonter tout ce qui se passe est prêt. Et son niveau d'évolution s'arrête là où il ne peut pas le surmonter. C'est ça, être prêt. Moi, j'ai fait des choses. J'ai eu des formes d'initiation que j'ai moi-même auto-engendrées et que tout le monde ici, il n'y a pas un seul individu ici qui serait capable de le vivre, de passer à travers. Bon, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais c'est quoi être prêt? C'est pas être snobé, c'est pas vous êtes que le monde ils sont caves et qu'ils sont niaiseux. C'est simplement que s'il faut, par exemple, juste pour passer l'initiation, escalader une montagne de 300 pieds de haut, ben c'est évident que le monde n'est pas prêt. C'est pas un snobiste. Je dis, si le monde, ils veulent absolument dire qu'ils sont prêts, qu'ils viennent, ben ils vont tous mourir là, parce qu'ils sont sans dessein, parce que leur ego tenait absolument à dire qu'ils étaient prêts. Pourquoi? Parce qu'être prêt n'était qu'un concept auquel les autres avaient adhéré, il fallait absolument qu'ils restent adhérés dessus. Bon, mais être prêt, c'est quoi? C'est absolument différent. L'individu qui arrive à mourir, puis qui amène son corps avec lui, c'est un individu qui est prêt, mais il se balance royalement de l'être ou de pas l'être. Être prêt dans l'évolution humaine, c'est un maudit c'est compliqué à expliquer, parce que l'individu, il s'imagine toujours, parce qu'il est éduqué comme ça, que tu es prêt quand tu as passé tel examen, que tu es prêt quand tu as réussi telle épreuve. Mais c'est vrai que tu étais prêt à cet examen-là, mais sur tous les niveaux, tu devrais être prêt. Et quand sur tous les plans tu es prêt, ben tu es prêt. Là, tu es prêt. Sinon, tu n'es pas prêt. Ça ne veut pas dire que tu es niaiseux. Ça veut dire que tu as de la job à faire. Hein? Moi, j'ai enseigné le judo longtemps, et puis un individu qui perdait en compétition, ben tout ce qu'est-ce qu'il apprenait, ben il apprenait simplement qu'il y avait encore ce travail à faire. C'est tout. Il ne fallait pas qu'il se débine. Parmi ceux qui auraient apporté leur corps à leur mort, là, c'est-à-dire qu'eux étaient prêts, est-ce qu'il y en aurait 12, 13 qui seraient les maîtres du monde? Il y en a 14, 15 qui seraient les maîtres du monde, puis il y en a beaucoup d'autres qui sont dans un... Maître du monde, là, il y a une certaine canalisation de formes énergétiques évoluées, OK, de personnes qui ont apporté leur corps à leur mort, qui sont présentement, disons, stabilisés dans un endroit géographique de la Terre. Ceux-là, on les appelle les maîtres du monde. Ils ne maîtrisent qu'eux-mêmes, mais étant donné qu'eux-mêmes couvrent la planète et un peu plus, ils sont donc maîtres du monde. Par contre, il y a d'autres formes d'énergie qui ne sont pas centralisées, canalisées dans le centre de l'Agartha, qui sont rayonnantes à l'échelle de la planète, qui sont aussi des maîtres du monde. Mais nous, on ne parle que de ceux qui, par affinité vibratoire, donc par affinité de cheminement, ont été centralisés dans un endroit géographique planétaire. Leur conscience est centralisée là. Disons que ce sont les brides d'informations qu'on a ici et là, qu'on nous a laissé savoir pour probablement exciter l'intellect. Mais le terme maître du monde, c'est un terme réellement ridicule. Je faisais référence à ce qu'on appelle maître. Maître du monde, oui, maître de leur monde serait plus juste. C'est comme eux autres ont une entité énergétique qui couvre, comme je dis, la planète et plus. Bien, automatiquement, vu qu'ils maîtrisent ça, ils maîtrisent aussi le monde, la Terre. Mais ils ne sont pas ton maître à toi. Non, c'est ça qui est bien différent. Par contre, quand tu digères mal, ben disons que ça crée une guerre sur la Terre. Alors, là, je parle, OK? Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ils vont manipuler certaines formes de dégénérescence du Kali Yuga. Donc, ils vont précipiter parce qu'eux autres, en évoluant, ben, automatiquement, les bribes d'énergie qui vont manipuler l'être humain à la surface de la planète Terre, ben, il va amener l'homme à faire telle chose, mais c'est simplement parce que lui vient de roter. Disons. Oui. OK. Alors, c'est eux autres évoluent, puis obligent l'intérieur d'eux autres à évoluer avec. Tu vas digérer mieux quand tu vas avoir un mental supérieur. Alors, automatiquement, tu es le maître de l'estomac. Même si tu n'es même pas conscient que tu as un estomac. Mais d'autres sont conscients qu'il y a une terre, là, mais il faut dire... Alors, eux continuent naturellement une certaine évolution. Leur évolution. Et ça, automatiquement, ça oblige l'homme à évoluer. Ainsi que d'autres qui seraient à d'autres endroits. Ces êtres-là vont être libérés. Quelle différence que ces gens-là avaient à leur naissance avec, disons, les gens qui sont ici, par exemple? Certains n'avaient aucune différence, d'autres avaient des différences marquées. Est-ce que cela voudrait dire que parmi ceux-là, ce qu'il leur libre arbitre aurait joué un rôle dans leur évolution? Non. L'évolution planétaire humaine, ou encore l'évolution solaire, l'évolution du système solaire, qui est un être à part entière, se balance royalement de savoir que toi ou moi ou que n'importe qui d'autre arrive à une évolution quelconque. Ce qui arrive par contre, c'est que dans la phase génétique évolutive physique, il arrive que toi tu es stupide, que moi je suis stupide, puis que tout le monde est stupide ici. On fait des enfants, puis à un moment donné, dans l'apprentissage, ben nos enfants apprennent certaines choses toutes différemment. Ils sont tous un peu moins stupides que nous autres, mais ils sont tous un peu stupides pareil. Eux autres vont avoir des enfants qui, eux autres, vont apprendre encore un peu. Ils vont être encore tous pas mal stupides, mais moins stupides que leurs enfants, donc pas mal moins que nous autres. Puis à un moment donné, ils vont avoir des enfants, puis dans ceux-là, génétiquement parlant, tout le cadre intelligent réuni dans les ancêtres génétiques, hein, moi, je suis 90% stupide, j'ai 10% intelligence. Puis après 10 générations qui ont 90% de stupidité et 10% d'intelligence différente, bien, il y a un enfant qui vient au monde qui a 100% d'intelligence. Parce que lui, par le mélange génétique, toutes les 10% d'intelligence se ramassent sur lui. Puis évidemment, tu vas avoir un fou qui va naître et m'amener. Lui, il a 100% de stupidité. Mais dans cet individu-là, qui physiquement a un corps physique 100% intelligent, bien, dans lui, les énergies réincarnatives vont être simplement les affinités mémorielles intelligentes, et non pas les affinités, disons, aberrées. Puis ceux-là, donc, ayant un corps qui peut recevoir 100% de ces 10%-là, ils vont se mettre là-dedans. Donc, un enfant vient au monde parfaitement génial, qui dépense toute sa tribu, tout son peuple. Lui, c'est un dieu, créé par l'homme. Mais c'est un dieu, qui est tellement différent que lui va être en contact avec des énergies supérieures, parce que ça donne, justement, c'est pas un hasard, c'est une loi mathématique, c'est une chose évidente qu'à un moment donné, ben, il y en a un qui va sortir comme ça. Et cet être-là, ben, va évidemment ascender, va avoir une ascension plus rapide que toute la masse, et automatiquement, ben, ça va rejaillir sur la masse et ça va augmenter le schéma vibratoire de la population. Alors, c'est ça. Il n'y a pas de libre-arbitre ou de hasard ou de quoi que ce soit, de manipulation. C'est une chose normale qui fait que toi, tu nais et tu es stupide, puis que toi, tu nais et tu es génial. Mais la pauvre personne qui vient de naître stupide, ben, on s'en fout en termes d'évolution, parce que c'est simplement un organe de l'échelle planétaire et de l'échelle du système solaire, et même allons plus loin, qui simplement, bon, ben, il est là, il va mourir, puis à un moment donné, par la génétique, tu n'auras pas le choix, tu vas avoir juste des génies. Mais à travers ce peuple de génies-là, tu vas avoir des dieux encore. Mais le peuple de génies va être supérieur au plus haut des génies de l'époque romaine, qui lui était un dieu à cette époque-là. Alors, ce qui fait que tous ces êtres, tu n'as plein ici dans le salon, là, qui ont là étampé sur des peintures, là, ces êtres-là étaient des êtres que, par leur génétique physique, avaient justement une suprématie sur le reste de la masse humaine. Donc, les entités réincarnatives à l'intérieur de tout ça, ben, étaient du même niveau que leur physique. Donc, tu avais des êtres d'élite. Et ces êtres d'élite-là, ben, ont, pour évoluer, été obligés, disons, d'aider les autres. Ils n'ont pas aidé personne. C'était pas un désir, mais c'était un résultat. Alors, eux autres, qu'est-ce qu'il y avait de différent de ceux qui sont ici? À cette époque-là, rien, parce que ceux qui sont ici sont drôlement plus avancés présentement de par leur constitution physique et psychologique, tout le contexte au complet au niveau des corps, que ces êtres-là. Mais par contre, il y a une maudite éducation sociale qui vient bloquer ce qu'eux autres n'avaient pas. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a plus d'outils, mais qu'il faut s'en servir, par exemple? On a trop d'outils, puis on n'est pas capable de savoir lesquels et par lesquels commencer. T'essayes de clouer des clous qu'une aiguine, t'essayes de visser une vis avec un marteau, puis bon, c'est ça qui arrive. Alors, pourquoi? Parce qu'on a trop d'outils. Mais ces outils-là, donc, nous nuisent. On a trop de bagages en arrière de nous autres, et puis on a un ego qui peut se servir de l'expérience de tout ceux-là, donc qui peut nous faire croire qu'on a accès tout de suite à tout ceux-là. Alors, t'as juste à croire en quelqu'un pour être sauvé. Ben oui. Alors, ça, c'est le gros problème. Présentement, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on a une éducation sociale, l'éducation de tes parents, l'éducation scolaire, l'éducation de ta société au complet, qui vient te limiter. Parce que c'est juste de t'imaginer qu'avec toute la connaissance qu'on a là, si on allait des monastères comme il y a eu au Tibet, il y a quelques milliers d'années, où ce qu'un individu déciderait de venir, avec les connaissances qu'il y a là, là, je parle présentement, paf, là, on bâtit au Québec un monastère, où est-ce que tu rentres, puis dans 20 ans, tu peux sortir peut-être. Bon. Alors, tout arrive là, puis c'est juste de l'intensif. Ça va finir par arriver à un moment donné, mais dans quelques années, ça, là. Ben, ce ne sera pas un monastère, mais des affaires dans le genre. Alors, l'individu avec les connaissances qu'il y a là, là, s'il accepte réellement, il rentre là, hein? Puis il y a un travail à faire qui est bien structuré, comme ça était structuré à l'époque, mais les autres n'avaient pas les outils. La discipline. Ça serait absolument extraordinaire, mais c'est quoi la discipline aujourd'hui, justement? C'est quoi toutes ces choses-là? À un moment donné, tu as une discipline qui est psychologique, puis tu as une discipline qui est mentale, puis toi, tu préfères la psychologique, elle est moins dure. Alors, présentement, ben c'est ça. L'homme a des outils, mais l'homme n'a pas la capacité de s'en servir. Donc, l'homme est obligé d'avoir un mental pour pouvoir s'en servir. Le mental est intellectuellement intelligent. Hein? Puis c'est la seule forme d'énergie qui peut rentrer en contact avec l'énergie, avec une forme d'énergie supérieure présentement. L'énergie supérieure qui, de temps en temps, peut te diriger, toi, ben ça va être l'énergie du mental. Parce que toi, tu es astral. Ces mêmes monastères dont tu faisais référence, tantôt soit au Tibet ou à d'autres endroits, ont probablement préparé ce qui se produit présentement. Ah oui, aujourd'hui, énormément. Ici au Québec. Énormément, parce qu'il y a énormément de concepts de religion puis de philosophie qui viennent justement de ces phénomènes-là. Alors sur ce, Daniel, on termine la première partie. Si vous avez des questions, vous les posez sur papier, vous me les remettez durant la...